sa mère. Hop. Interception. Merci. J'ai des foutes et j'ai des vérités. Si je t'attaque, c'est que tu l'as mérité. Je prends le contrôle, j'ai la sono. J'augmente les hommes et le PIB. J'effuse les marines, je les dessine. Au fusant, j'ai projeté d'être crédité. N'attends pas que j'insiste, hein. Toi t'es déboussolé, faut-il qu'elle le paye. On l'applique comme un signe, tu me répètes, faut que j'avise, hein. Ya, ya, ya, comment soigner coup de cœur. Autant se noyer dans la queue pour risquer de côtoyer le fleuve. Wow, je veux m'apaiser, coup de foudre. Vision troublée, tout est flou. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Quand nos regards se croient, je deviens ivre de toi. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ma raison n'a pas tort. Baby, je veux pas tomber dans le piège. Je vais pas miser une pièce sur toi. Ya, ya, ya. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Quand nos regards se croisent, je deviens ivre de toi. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ma raison n'a pas tort, mon cœur est mira. Putain, ça gagne. Interception. Flow, flow, codeine. Flow, flow, protéine. Mon flow est trop chaud, mon flow faut le rembobiner.